Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gameozo 107 FM. Nous sommes le mardi 8 février 2022, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, vous êtes en direct. C'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux Myriam et Piotr du Pindéo qui sont là pour nous parler du Pindéo et de tout ce qu'ils font. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Très bien, merci. Parfait. Donc, tout d'abord, avant de commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à tour de rôle? Après toi. Je commence. Bonjour. Alors, donc, moi, c'est Myriam. Je suis d'origine chypriote. Donc, je suis un petit peu un pêle-mêle de franco-italo-chypriote. D'accord. Je suis de formation bijoutière à la base, en fait. D'accord. Et donc le pain est arrivé un petit peu dans notre vie à tous les deux il y a à peu près 5 ans, je dirais. Ouais. Donc depuis, voilà, on est un petit peu lancé dans ce projet-là. D'accord. Bonjour, moi c'est Piotr, je suis d'origine polonaise, je suis né à Nancy. J'ai une formation un petit peu diverse. J'ai un bac littéraire, mais après je me suis intéressé à la géographie. Puis finalement, je me suis passionné pour l'agricole. J'ai commencé à faire un BTSA technico-commercial pour finir par une licence pro en agronomie. Et je suis parti faire mon stage à Chypre. On s'est connus avec Myriam un petit peu avant. On a décidé de vivre à Chypre pendant un moment et c'est là où on a découvert donc la fabrication du pain à l'artisanal. D'accord. Donc du coup, comme vous venez de le dire, donc du coup Myriam, vous avez une formation de bijoutière. Mmh. Vous, Piotr, plus dans l'agroalimentaire, non? Oui, agroalimentaire, oui. Agronomique aussi. Voilà, agronomie. Mais du coup, le Pindéo, c'est un fournil ambulant, c'est une boulangerie ambulante, si on veut. Donc pourquoi, qu'est-ce qui vous a donné envie du coup de vous orienter maintenant vers la boulangerie et de mettre de côté vos parcours respectifs, on va dire? Eh ben, disons qu'on a eu plusieurs maîtres à Chypre. On a commencé un petit peu à vouloir vivre, comprendre ce que c'était, parce que bon, à travers les études, on a beaucoup de théories, on vit ça un peu de loin, on était quand même urbain à la base. Et donc on a voulu s'installer à la campagne, comprendre un petit peu tous ces systèmes agricoles, ces systèmes ruraux. Alors Chypre, c'est complètement différent. Mais néanmoins, on a appris l'apiculture, on a appris la permaculture, on a fait différents stages, on a même fait un peu de safran, on a un peu tout parcouru. Et puis il y a eu un moment donné, on a eu un ami suisse qui est venu, un maître à penser qui s'appelle Jean-Luc Clément, et puis qui nous a initié à ça. On a trouvé que voilà, ça réunissait beaucoup de choses que l'on connaissait, les principes de fermentation. On était sur du blé, on était sur voilà. Myriam a un talent artisanal qui lui a permis de faire quelque chose d'abouti. Et puis moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était justement cette rencontre avec la matière brute, la pâte, le bois, le four à bois, et cette cuisson-là, il y a quelque chose d'assez magique dedans. Et voilà, ça nous a, comme un espèce de coup de foudre, ça nous a percuté. D'accord. Donc, du coup, au Pindéo, du coup, vous avez chacun, du coup, c'est plutôt Myriam qui met la main à la pâte, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ouais. Et vous, peut-être, c'est plus du côté, du coup, de le four. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un choix, du coup, vous êtes orienté, par exemple, Myriam, vous vous occupez de ça, Piotr de ça, ou est-ce que ça s'est présenté un peu comme une évidence, du coup? Non, c'était assez naturel, hein. Oui, bon, en fait, oui, parce que on sait qu'on a des compétences qui sont pas aux extrêmes, on se complète bien, et disons que moi, je suis peut-être un peu moins manuel, un peu moins artisan, mais j'aime bien la matière brute, donc, puis bon, je suis peut-être un petit peu poète comme ça, j'aime bien voir les flammes lécher la voûte du four, très tôt le matin, dans la nuit, il y a quelque chose d'assez magique, quoi, donc c'est peut-être un peu ça, puis c'est des choses que je sais faire, quoi, et Myriam... elle travaille la pâte et puis elle arrive à faire des choses beaucoup plus minutieuses en ayant été bijoutière avant. C'est vrai que oui. J'ai le côté de fabrication main, oui. Qui puis bon, j'ai toujours aimé tout ce qui entoure les métiers de bouche. Enfin, tout ce qui j'adore faire à manger. Et on peut dire le pain. J'ai toujours voulu faire du pain, mais même pour moi, je pensais jamais en faire mon métier. Et finalement, de fil en aiguille, c'est arrivé un petit peu tout seul. L'amour du pain a pris un petit peu le dessus sur l'amour des bijoux. Et puis j'ai un peu fait la transition comme ça. Et oui, j'aime nourrir les gens, je pense, on va dire. C'est peut-être un petit peu aussi culturel. À Chypre, la nourriture, c'est une institution. Comme en France. Oui, aussi. Donc, ça réunissait bien les deux, finalement. Donc, du coup, on comprend que au Pain des Hauts, vous êtes vraiment complémentaires tous les deux. Oui, oui, tout à fait. C'est une bonne chose, je trouve. Donc, du coup, le Pain des Hauts, c'est tout récent, ça débute seulement. Ah oui, oui. En fait, on est en plein processus de création. On n'a pas encore réellement d'entreprise. L'idée, elle est là depuis très très longtemps. On a cherché différentes manières de faire le pain. Est-ce que on se fixait finalement sur un lieu? Ça demandait quand même un investissement bien sûr. Plus important. Donc il fallait refaire un four, il faut refaire un fournil. Et puis il y a cette particularité qu'on ne peut pas trop bouger, enfin, c'est-à-dire qu'on est sur place. Et finalement le fournil ambulant, c'est quelque chose qui nous a percuté parce qu'on est assez isolé, on habite assez isolé, et ça nous permet d'atteindre justement d'autres lieux isolés, d'atteindre plusieurs secteurs dans les Vosges. Donc oui, c'est tout l'intérêt de la démarche, en fait. C'est de pouvoir faire du pain artisanal, mais tout en pouvant l'amener à différents endroits. D'accord. Donc, justement, vous parlez de four et de fournil. Moi, j'avoue, je suis un novice dans le milieu de la boulangerie. Donc, qu'est-ce que le fournil? Alors, le fournil, c'est l'atelier, c'est le labo. D'accord. Dans lequel on fabrique le pain, en fait. Ok, bah, je ne le savais pas. Voilà. Voilà. Et donc, le projet, du coup, vu que pour l'instant, même si ça se concrétise peu à peu, ça reste un projet. Mm-hmm. Quel est le but du projet? De quoi est composé ce projet du Pain des Hauts? Le projet en lui-même, en fait, c'est d'offrir un type de pain qui se voit peut-être pas partout, non plus dans les boulangeries fixes. Ce qu'on voudrait, c'est proposer un pain à l'ancienne, complètement à l'ancienne, c'est-à-dire qui serait pétri à la main. On n'utiliserait absolument pas de machine de pétrin électrique. On l'utiliserait uniquement du levain et pas de la levure. Donc c'est un processus de fermentation naturelle. Et puis voilà, la cuisson au four à bois pour aboutir. En final, on essaye de faire un petit peu de l'ancien dans un camion, quoi, dans du neuf. Voilà, donc un genre de food truck quelque part. Oui, c'est voilà. Ça. C'est exactement ça. C'est du pain, le pain ancestral qui a toujours été fait par nos anciens. C'est de ramener aussi cette tradition un petit peu au goût du jour. Ça commence un petit peu à venir quand même, de plus en plus. Le côté santé aussi du pain en levain qui est en train de revenir en force, heureusement. Donc, je pense que les gens ont aussi envie de mieux manger de plus en plus. Donc, voilà. Et puis, perpétuer aussi la tradition de la fabrication. Comme l'a dit Piotr, pétrir à la main, cuire au feu de bois et utiliser que du levain comme agent de fermentation. Voilà. Et bon, Myriam pourrait aller plus loin, mais il y a des avantages organoleptiques, c'est-à-dire au niveau du goût et de la digestion, la digestibilité du pain au grand final, parce qu'on laisse fermenter sur des temps très longs. Quand avec la levure, on peut laisser fermenter en très peu de temps, le levain, on pourrait, mais nous, on laisserait fermenter sur un temps très long, ça peut durer de 10 heures à 17 heures. Ça améliore la digestibilité du pain et ça lui confère des arômes qui sont assez intéressants parce que il y a cette maturation longue et donc voilà, c'est un produit qu'on voudrait offrir, c'est un produit qualitatif, quoi. Bien sûr. Et donc du coup pour au niveau de la cuisson, c'est dans un four à bois. Oui, c'est ça. La chauffe directe, oui. Justement. Voilà. Ce qu'on appelle une chauffe directe, c'est que la cuisson va se faire, la cuisson du pain va se faire sur la même surface où on a fait le feu, en fait. Parce que, bon, sans trop vouloir rentrer dans les détails, vous avez des fours à chauffe directe et à chauffe indirecte, c'est-à-dire qu'il y a certains fours où on fait le feu en dessous, on met le bois en dessous, ça chauffe, et en fait ça fait chauffer les pierres réfractaires qui sont à l'intérieur du four. Mais par contre, pour avoir la dénomination cuit au feu de bois, on est obligé d'utiliser un four à chauffe dit direct. Donc, c'est-à-dire que nous, on allume le feu dans le four. Ensuite, on enlève les braises et la chaleur reste par... Comme l'intérieur du four, il y a des pierres réfractaires justement qui permettent de garder cette chaleur. Et une fois qu'on a enlevé les braises, là, on met nos pâtons de pain, on met notre pâte et là, ça cuit. D'accord. Voilà. Et c'est un four justement qui est très bon pour la cuisson du pain parce que c'est un four à chaleur descendante. C'est-à-dire que le four, il va se refroidir tout seul au fur et à mesure. Et là, ça va donner vraiment une belle croûte, ça va donner encore des arômes qui vont pouvoir se développer tout doucement. Et on va même pouvoir faire avec une chauffe plusieurs fournées. D'accord, ok. Et donc, je sais, c'est assez technique. Non, mais justement, c'est très intéressant. Moi, je suis très, très, très concentré dans ce que vous dites. Et justement, en préparant cette émission, notamment grâce à... Parce que vous avez une cagnotte litchi dont on parlera un petit peu plus tard. Mm-hmm. J'ai appris du coup que pour faire vos différents pains, vous utilisez des farines locales, des farines du coin. Ah oui, c'est important. Oui. On cherche à rester dans une démarche éco-responsable de toute façon, parce que non seulement on veut faire du bon pain bio, mais on veut aussi que justement d'avoir un impact environnemental moindre. Donc choisir des farines locales, c'est pour nous c'est indispensable. Il y a pas. C'est réduire les temps de trajet, c'est justement pouvoir accéder plus facilement aussi à ça, et puis travailler avec des petites minoteries. Ça favorise aussi une certaine économie, et puis eux-mêmes, ça les fait vivre, quoi. Bien sûr. Donc voilà, puis on est plus proche aussi, je pense. C'est pour nous aussi, ça serait un circuit direct, où on serait directement avec le meunier, et puis on pourrait parler, sélectionner des farines qui nous conviennent vraiment, quoi. Mmh. Oui, c'est important de privilégier le local, du coup, pour être 100% local. Voilà. Donc, il est 14h13, donc avant de parler encore plus de tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que vous avez choisie, Myriam et Piotr, et que nous écoutions pour commencer Monsieur Doumani, avec le morceau intitulé « Imuzuru Tumorfo ». Très bien. Voilà, j'avoue, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce morceau, mais je crois que Myriam, vous m'avez dit que c'est un groupe chypriote. Oui, c'est ça. C'est un groupe chypriote qu'on a découvert et qui nous plaît beaucoup parce qu'il mélange beaucoup le traditionnel et le moderne, on va dire. C'est une sorte de folk chypriote, mais vraiment... Et puis, en plus, ils sont très engagés comme groupe. C'est vraiment... ça va aussi un peu dans notre esprit. C'est un groupe qui chante en dialecte chypriote. Donc, le dialecte chypriote, c'est un dialecte de la langue grecque. Mais ça reste un dialecte. C'est pas, c'est-à-dire qu'on écrit et on parle le grec. On écrit, on lit le grec, pardon, mais on parle le chypriote. Donc c'est vraiment un dialecte, c'est un peu comme un patois du grec, on peut dire ça comme ça. D'accord. C'est peut-être ce qu'est le patois vosgien pour le français. Oui, on peut aussi dire ça comme ça. Justement, vous qui êtes d'origine chypriote, Myriam, mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que veut dire « imuzuru tumorfo » ou pas ?« Imuzuru tumorfo », c'est... Voilà. Alors, Morfou, c'est un petit village du nord-ouest de Chypre. D'accord. Qui est actuellement sous l'occupation turque, parce qu'en fait, depuis 1974, il y a eu l'occupation turque du nord de l'île de Chypre, et encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, Muzuru, c'est, on peut dire, on peut traduire ça comme une bonté. Alors, eux, ils ont traduit ça en anglais comme la beauté noir de Morfou. En fait, c'est une histoire d'amour qui... Comment dire c'est... Imuzuru Tumorfo, c'est en gros la beauté de Morfou. C'est la beauté de ce village-là. Donc, ça parle d'une fille qu'un gars est tombé amoureux d'elle et il a une façon assez originale de lui exprimer son amour, on va dire, parce que, bon, d'accord. Je ne veux pas traduire. Mais... pas de souci. Donc, du coup, on écoute Monsieur Doumani avec Imuzuru Tumorfo. Très voilà. Bien. Et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes 30, oui, tout à fait. Donc, à tout de suite sur Radio Gemozo. γεννάτο να σπρωιάσω. Τον τείχο τον παλιό τείχο γεννάτο να σπρωιάσω. Και την αγάπη την παλιά ναι, να την πολλογιάσω. Και την αγάπη την παλιά ναι, να την πολλογιάσω. Ο φουρα μου ζουν του μόρφου. Και κάμες με τζεπέλα να για δυο βίζα του κόρφου. Και κάμες με τζεπέλα να για δυο βίζα του κόρφου. Με τσεπέλα να τσακώμα να πελάνω. Τσεκάμες με τσεπέλα να τσακώμα να πελάνω. Ως που δωρώ τες βούτσες σου και τα φίλια μου πάνω. Ως που δωρώ τες βούτσες σου και τα φίλια μου πάνω. Έλα, έλα μαζί μου παίξε γέλα. Τ' έχω αγκάλες άνοιχτες όποτε θέλεις έλα. Τ' έχω αγκάλες άνοιχτες όποτε θέλεις έλα. Γενέκα με τον άντρα. Ανάθεμα τον αγαπά γενέκα με τον άντρα. Και να αγαπά μια χώρα σαν που να την έχει πάντα. Και να αγαπά μια χώρα σαν που να την έχει πάντα. Ο φούρα μου ζουρού του μόρφου. Και κάμες με τσεπέλα να για δυο βίζα του κόρφου. Και κάμες με τσεπέλα να για δυο βίζα του κόρφου. Την τζαγάπα με κανεί έντζε ξερέντο. Τζαγάπου την τζαγάπα με κανεί έντζε ξερέντο. Τσεπούτον μα τον πελόν ο κόσμο σε μαθέντο. Τσεπούτον μα τον πελόν ο κόσμο σε μαθέντο. Ο φούρα μου ζουρού του μόρφου. Τσεκάμε με τσεπέλα να για δυο βίζα του κόρφου. Μαγιο ζωή δεν έχω. Αγάπησα να πω ζωή, μαγιο ζωή δεν έχω. Σαν κλίμα με κλαδεύκου συντζε κλάδε μα δεν έχω. Σαν κλίμα με κλαδεύκου συντζε κλάδε μα δεν έχω. Έλα, έλα μαζί μου παίξε γέλα. Τ' έχω αγκάλες άνοιχτες κι όποτε θέλεις έλα. Τ' έχω αγκάλες άνοιχτες κι όποτε θέλεις έλα. Et du coup, vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Monsieur Doumani avec Imuzuru Tumorfu. Et du coup, on est toujours en présence dans nos locaux. Vous êtes bien sûr toujours en direct, hein, il est 14h, presque 20. Et on est toujours du coup en compagnie dans nos locaux de Myriam et de Piotr du Pain des Hauts qui sont là pour nous parler du Pain des Hauts et de tout ce qu'ils font. Ça va toujours ? Bah oui, très bien. Nickel. Parfait. Donc, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir eu envie d'écouter ce titre ? Mais ça représente notre vie à Chypre, quelque part. Alors moi, je suis arrivé, en plus, c'était complètement... déjà, en connaissant Myriam, vous savez, Chypre, on ne sait pas trop où ça se situe, très honnêtement. Ça reste une île, avant de trouver qu'elle est en dessous de la Turquie, au-dessus de l'Égypte, ça fait loin. Et puis quand on vient de, comme moi, de Lorraine, au final, c'est vrai que ça fait un sacré changement. Et puis, on a connu ce groupe-là là-bas, je ne sais même plus par quel moyen, ça devait être Internet. Et puis on trouvait que ça représentait, enfin pour moi ça représentait bien, c'est un petit peu comme ça que finalement j'ai appréhendé la culture chypriote, le côté culturel... Et donc voilà, puis en plus c'est une petite histoire d'amour, un peu salace on va dire, mais voilà, c'est un petit peu, ça fait partie de notre vie là-haut, c'est pour ça qu'on voulait mettre ce morceau. C'est bien dit, oui. D'accord, donc du coup même vous, même Piotr, vous, du coup, vous êtes d'origine lorraine, mais du coup vous comprenez le chypriote maintenant ? Eh ben, je parle pas grec, je parle pas chypriote, mais je comprends tout à fait. Je commence à comprendre le grec puisque on a deux enfants. D'accord. Et donc Myriam leur parle en grec, et donc je comprends le langage basique comme ça, sans faire. Et puis je peux lire d'ailleurs le cyrillique puisque c'est en écriture cyrillique. Comme j'ai fait des études de russe, c'est vrai que ça ressemble à l'alphabet grec. Voilà, oui, l'alphabet ressemble et donc je me débrouille, on va dire. Et ils parlent très bien anglais à Chypre, donc il n'y avait pas de souci. je bricole un peu en anglais aussi, donc je m'en sortais. Ouais, un petit bricolage du coup qui fait que voilà. Vous n'êtes pas forcément très perdu. Et donc du coup ça fait que, vous, comme vous venez de le dire, vous avez deux enfants, donc ils seront du coup facilement bilingues. Ah oui, oui. Bah, à mon grand regret, on peut dire ça comme ça. Moi j'ai toujours voulu garder justement le chypriote. Dans la famille, parce que j'ai encore ma famille qui habite à Chypre, avec qui on est très très proches. Et oui, ne serait-ce que pour quand on y retourne, que les filles puissent comprendre et parler avec les cousins, les tantes. On est une très grande famille. Et après, j'ai toujours parlé à mes filles en grec, en chypriote. Après, elles sont plus à l'aise en français parce qu'elles sont dans un environnement français. Mmh. Donc, elles me répondent souvent en français. D'accord. Donc, c'est vrai qu'à la maison, c'est un petit peu... c'est pour ça aussi que Piotr comprend quand même bien les chypriotes, parce qu'à force de parler aux filles, il sait maintenant. Et oui, c'est un peu le mélange des cultures à la maison. Il y a un peu toutes les langues, il y a un peu d'anglais aussi. Donc, c'est sympa, on s'ennuie pas. Bah, j'imagine du français, de l'anglais, du chypriote, du grec. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, du coup, on va reprendre cette émission tout doucement. Donc, vous en avez un petit peu parlé en début d'émission, mais vous allez peut-être pouvoir développer un petit peu le sujet. Comment s'est déroulée, du coup, votre rencontre à la base, à la toute base ? C'était à Nancy, on s'est rencontrés à Nancy, parce que moi je vivais, je suis arrivée, donc je fais ma scolarité à Chypre, je suis née et je fais toute ma scolarité à Chypre jusqu'à mes 18 ans, et à 18 ans je suis venue faire mes études à Nancy, donc c'était en 2000, ça fait déjà loin. 22 ans. Et donc par des amis en commun, je pense. On se connaissait avant. Et puis, on se connaissait un petit peu avant, on s'est revus, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Tourbillon de la vie. Voilà, et puis après on s'est retrouvés à un moment, et puis on ne s'est plus quittés finalement. Justement, on s'est rencontrés à un moment un peu fatidique, on va dire, parce que... Myriam devait partir à Chypre. C'était un moment où j'avais décidé de sortir de ma vie en France et de retourner à Chypre pour y vivre, pour de bon. Et là, je rencontre Piotr et sans aucune peur, il me dit « Bon, ok, je viens avec toi. » J'aime bien l'aventure. Oui, c'est ça. Et chiche. On est partis tous les deux et à Chypre, on a eu notre première fille, Nina. D'accord. Donc Nina est née à Chypre. Donc on a vécu 2 ans là-bas, avant de revenir à Nancy, puis dans les Vosges. D'accord. Donc comme le chantait du coup Jeanne Moreau, vous vous êtes connu, vous vous êtes reconnu, vous êtes perdu de vue, vous êtes reperdu de vue, ouais, et vous êtes retrouvé, vous êtes réchauffé, puis voilà. Et eu beaucoup d'enfants. C'est ça. On a eu très chaud d'ailleurs à Chypre parce que c'est 50 degrés parfois, donc. Ah oui. Ah oui, en été c'est terrible. Hein. On est en plein, c'est le Moyen-Orient quoi, donc. C'est le climat méditerranéen. L'été, vous avez 6 mois sans pluie et puis 50 degrés en plein milieu de l'été, ça peut arriver. Oui. D'accord. Donc, j'en ai souffert en tant que Lorrain, c'est vrai que je rêvais souvent. Des forêts de sapins et tout ça, oui. J'imagine. Et donc, du coup, comme on le disait avant cette pause musicale, pour mener à bien votre entreprise, votre projet du pain d'Éo, vous avez monté une cagnotte Litchi. Voilà, tout à fait. Oui. Qui nous aiderait dans l'investissement, puisque ça ne représente pas la totalité. Oui, c'est une partie de l'investissement. Voilà. On a déjà mis un apport personnel qu'on avait. On va encore faire un emprunt bancaire. Mais en plus de ça, on a encore besoin d'un petit coup de pouce. Un petit apport, pour pouvoir démarrer ce projet-là. C'est ce qu'on demande. Bon, on sait que c'est très généreux. Ça nous gêne un petit peu, quelque part, de demander ces dons-là. Mais finalement, c'est aussi quelque chose qui concerne... dire un petit peu tous ceux qui seraient intéressés par la démarche. Et puis voilà, on se fait fort après justement de pouvoir amener le pain sur des marchés. Et puis voilà, ce pain dont on parlait avant, qui serait qualitativement intéressant. Et voilà, donc on demande humblement une petite aide aux gens pouvoir qui veulent se bien, lancer. Aux gens qui veulent bien participer. Donc on a le lien de la cagnotte est sur notre page Facebook qui s'appelle Le Pain des Hauts-Fournil Ambulant. Donc vous pouvez pas le rater. Il y a un pain en photo de profil, une miche de pain en photo de profil. Donc vous pouvez trouver ce lien vers Litchi et il y a pas de somme minimum ou maximum. Enfin chacun met ce qu'il veut, ce qu'il peut. Voilà. Et après, si on n'atteint pas là, je crois qu'on doit être à 30% à peu près de notre cagnotte. Donc, on est conscient aussi que c'est une grosse somme. Mais bon, après, on verra où ça mène. Mais c'est toujours une aide. Ça toujours. Et c'est aussi encourageant de voir les gens qui nous soutiennent. Ça nous permet de se dire ok, il y a des gens quand même qui s'intéressent à notre projet et puis au pain et à la qualité de notre pain, donc ça nous motive aussi. Bien sûr, j'imagine. Donc là, j'ai la cagnotte justement sous les yeux actuellement. Donc vous avez besoin du coup de 10 000 euros. Oui, au total, oui. C'est une partie du... Le projet, en complet. Donc le camion, le matériel, le four, etc. Donc on a chiffré ça à environ 40 000 euros. Après, il y a tous les détails aussi sur la cagnotte. On explique le pourquoi du comment. On explique aussi où va aller chaque somme. Donc nous, on demande 10 000 avec Litchi. On espère les atteindre. Après, si on ne les atteint pas, c'est pas grave. Mais c'est pour compléter cet investissement de 40 000 euros qui est quand même assez important pour nous, en tout cas. Voilà. Donc, il reste du coup sur la cagnotte 50 jours pour participer. Mm. Vous êtes à 32%, je vois, sur le site. Et puis, voilà, vous avez déjà une certaine somme, du coup, sur... grâce à cette cagnotte, et puis 50 jours. Donc si cette émission peut donner envie à nos auditrices, auditeurs de donner un petit coup de pouce, même 1 ou 2 euros, il n'y a pas de... Ah oui, bien sûr. Oui. Voilà, et ben, je mettrai le lien de la cagnotte en podcast de cette émission, comme ça. Ah bah c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc du coup, ensuite, quelle farine utilisez-vous pour faire vos pains? Ah ben ça, je laisse l'experte. Experte. Oui, alors les farines... alors, comme on disait tout à l'heure, ça sera farine locale, bien sûr. Bien sûr. Bio. C'est important aussi pour nous. On n'a pas encore défini de farine précise. Après, voilà, il y a différents types de farines. Les farines, on peut les classifier par type, c'est-à-dire de la farine blanche jusqu'à la farine complète, c'est-à-dire la farine blanche où il n'y a plus du tout de fibres, enfin quasiment plus de fibres. En fait, toute l'enveloppe de le l'écorce du blé est complètement retirée, quasiment, jusqu'à la farine complète, où là, on a gardé quand même tous les sons du blé. Et donc, la farine complète ou semi-complète est plus nutritive, de toute façon. Donc, nous, on est encore en phase de test, là, pour l'instant, au niveau des pains, donc mais ce qui est sûr, oui, c'est ce qu'on va proposer, un pain, les classiques, le pain blanc, donc de la farine de tradition, donc la T65. Après, on a ce qu'on appelle la farine dite bise, c'est la T80, la T110 aussi. C'est des farines où on a gardé une partie de l'écorce du grain de blé. Et on a aussi de la farine complète, de la farine de seigle, de la farine... Alors après, il y a des farines... moi, j'aimerais bien aussi travailler avec ce qu'on appelle les blés anciens. C'est des blés qui ont été sélectionnés maintenant, qui commencent à revenir, mais... qui ont été laissés un petit peu tomber au détriment des variétés nouvelles de blé que l'homme a voulu rendre plus panifiable, on va dire ça comme ça. Sans vouloir trop rentrer dans le détail technique, c'est un peu compliqué à expliquer, mais bon. C'est-à-dire que, excuse-moi, que les farines qu'on a sélectionnées maintenant, c'est plus facile pour les agriculteurs parce que c'est plus facilement mécanisable, c'est plus facilement stockable, et puis ensuite, pour faire la farine, c'est plus facilement effectivement panifiable. C'est une histoire de protéines, de réseaux. Après, c'est des farines qui sont aussi plus faciles. Comme on a beaucoup mécanisé le métier de la boulangerie, c'est des farines aussi qui permettent d'avoir des pâtes qui résistent aussi à la mécanisation. C'est ce qu'on ne peut pas faire avec les farines de blé ancien. C'est pour ça aussi que le choix de travailler à la main, c'est que certaines farines, on ne peut pas les mécaniser. Il y a certaines farines de blé ancien qui peuvent subir très mal cette hyper-mécanisation du travail en boulangerie. Donc nous, on veut vraiment avoir un respect de la matière et vraiment de la brusquer le moins possible. Donc là, on est encore en phase de test. On n'a pas trouvé tout à fait vers notre bonheur, le meunier, etc. Mais bon, après, c'est aussi un appel s'il y a des professionnels de la filière qui travaillent les farines bio, éventuellement des variétés anciennes, peuvent nous contacter. Des meuniers ou des paysans qui ne sont pas très loin, qui sont quand même dans les Vosges, ou la Haute-Saône, parce qu'on est situé au Val d'Ajol. Donc... Voilà. Je mettrai également le lien de votre page Facebook, du coup, en lien avec le podcast de cette émission que je posterai certainement demain dans la journée. Donc, il est 14h33. Avant de parler encore plus en détail de tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans la deuxième fréquence musicale de votre choix et que nous écoutions l'auteur, compositeur, interprète et musicien américain de son nom de scène Possessed by Paul James, avec son titre Hurricane, que l'on pourrait traduire en français par ouragan. Toujours au niveau des quelques références, ce morceau est plutôt typé folk, voire country. C'est un titre sorti en 2013 et issu de l'album There Will Be Nights When I'm Lonely, voilà, que l'on pourrait traduire en français par Il y aura des nuits où je serai seul. Voilà, je vais me traduire les titres si jamais nos auditrices ou auditeurs ne parlent pas forcément anglais. Il s'agit du 6e album du chanteur, album sorti le mardi 29 octobre 2013. Et pour la petite info complémentaire, qui est Paul James? Il y a deux Paul James principaux, on va dire. C'est un acteur américain connu notamment pour son rôle de Calvin Owens dans la série Greek depuis 2017, ou alors un homonyme. Paul James est aussi un joueur de foot international canadien d'origine galloise, né en 1963. Voilà, donc on écoute Possessed by Paul James et son morceau Hurricane, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Guimauzo d'ici un peu plus de 4 minutes. vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM, toujours en direct, il est 14h38. Vous venez d'écouter Possessed by Paul James et avec son morceau Hurricane. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Myriam et de Piotr du Pain des Hauts, qui sont là pour nous parler du Pain des Hauts et de tout ce qu'ils font. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie ? Excellent. Oui, justement, on disait qu'on ne voit pas le temps passer. C'est vrai. Donc, même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau ? Ah bah, Paul James, c'est toi. Vas-y. J'ai découvert ce groupe avec un... C'est Piotr qui m'a fait découvrir ce groupe, moi. Ouais, d'accord. Et moi, j'ai découvert avec un très bon copain. Je salue le Jay. Salut, Jay. Et voilà. Et c'est quelqu'un qui nous a plu, en fait. On écoutait ça en boucle dans la voiture à Chypre. On se rendait souvent de Nicosie à notre petit village. Et on écoutait ça. Et ça nous donnait... un élan pour faire ce qu'on faisait, en fait. Il m'évoque énormément d'optimisme, d'énergie. Mm-hmm. Donc en l'écoutant, ça nous motivait. C'était aussi notre couple. Enfin, voilà, l'aventure, un petit peu. Ça représentait toutes ces choses-là, en fait, ces morceaux-là. D'accord. Et donc, du coup, ça fait longtemps que vous êtes revenu en Lorraine, du coup, dans les Vosges. 2016 ou 2017, je crois. 2016 oui. On est venu peu de temps après la naissance de notre fille. Donc on a vécu un an à Nancy, un petit peu entre deux. Et puis après, de toute façon, notre but, c'était de venir dans les Vosges. Alors Myriam a aussi une origine vosgienne du côté de Gérardmer. D'accord. Et puis moi, je... J'avais dit que j'étais mélangée. De Nancy, beaucoup de Nancéens viennent en vacances dans les Vosges. Le Val d'Ajol, c'était une partie de mon adolescence à moi. Donc, c'est quelque chose que, voilà, on s'est... Dès qu'on a vu qu'on avait une possibilité de vivre un peu sur le Val d'Ajol, on l'a saisi, quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, après avoir passé combien de temps à Chypre ? On y a passé 2 ans. Oui, ouais, deux ans. Mm-hmm. D'accord. Oui, là, j'avoue, je sors de ma trame, mais ça m'intéresse, j'aime bien échanger du coup avec mes invités. Oui, allez-y. Donc, on va se concentrer du coup là-dessus. Un mot de jargon boulanger, on va dire, c'est le mot rabat, ou donner un tour. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, je me retourne du coup vers Myriam, plutôt. Oui, effectivement. Un rabat, c'est ce qu'on appelle... c'est de plier la patte. Pour pouvoir lui donner de la force. C'est-à-dire, nous, on ne pétrit pas beaucoup. Déjà qu'on pétrit à la main, on pétrit très peu. On n'a pas trop envie de bousculer comme ça, de bousculer la patte. Donc, en fait, pour lui donner de la force, pour retendre le réseau de gluten, on la plie sur elle-même. En fait, c'est un peu... Pour avoir une idée, c'est un peu comme si on faisait un pli portefeuille. On plie d'un côté et de l'autre sur elle-même. Et en fait, ce rabat-là, cette façon de faire permet effectivement de mettre de l'air aussi dans la pâte, de restructurer le réseau de gluten, et permettre d'avoir une pâte qui est plus élastique pour qu'elle gonfle bien après, enfin, pour qu'elle pousse bien. Je parle un peu en termes. Au final, le résultat, c'est d'avoir un pain bien levé. Ouais, aéré au possible aussi. Ça aide à avoir un pain qui va se tenir aussi à la cuisson, qui va bien gonfler et donc il va avoir aussi une mie bien alvéolée. Et un beau pain... pas une crêpe, quoi. D'accord. Donc, justement, vous parlez de mie alvéolée, donc on retrouve du coup le mot alvéole. Est-ce que c'est, par exemple, comme dans les ruches d'abeilles, avec est-ce que la mie alvéolée, du coup, c'est la mie avec les petits trous dedans ? Oui, c'est ça. Petit trou ou gros trou ? Ah, ça, oui, c'est vrai. C'est, en fait, ce que chaque boulanger recherche, c'est ça. C'est une belle mie, alors avec des alvéoles plus ou moins irrégulières. Le but, c'est justement d'avoir des petites... ça apparaît un peu comme des petites bulles d'air dans la mie du pain. Et c'est ce que beaucoup de boulangers cherchent. Enfin, en gros, on peut définir un bon pain bien poussé en regardant à l'intérieur la mie qui est bien alvéolée, qui a des petites... Alors après, Ça dépend des pains aussi. Hein. Il y a des pains qui ont une mie très dense et c'est normal aussi. Hein. C'est issu du processus enzymatique, du levain, ou alors ce serait de la levure dans un autre cas. Le levain se nourrit et quelque part recrache de l'air. C'est ça, du CO2. C'est le processus de fermentation du levain en fait qui va faire que la panification va se faire. Le levain va faire pousser la pâte, ce qu'on appelle la pousser la pâte, donc la fermentation. Et donc c'est grâce à ça que le pain va un peu de la même façon le pourquoi du comment on utilise de la levure. Sauf que pour du levain, ça met beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça que le pain en levain, on dit qu'il a besoin de temps et on lui donne ce temps-là. Chose qu'on ne peut pas forcément se permettre de faire dans les boulangeries conventionnelles parce que faut que ça aille vite, il faut que le pain lève très vite et d'une certaine façon. Dans l'industrie du pain. Le vin est un petit peu oublié malheureusement des boulangers d'aujourd'hui, ou à la rigueur il est même mélangé avec de la levure. On a du pain levain levure. Ce qu'on peut appeler un pain en levain, on n'a pas le droit de, pour avoir l'appellation pain en levain, il faut pas avoir plus de 2% de levure. D'accord. On peut encore utiliser de la levure dans un pain dit au levain, mais pas au-dessus de 2%. Chose que nous, on ne fait même pas. En fait, nous, c'est 100% levain, le pain qu'on fait. D'accord. Et donc, du coup, en tant que boulanger ambulant, on va dire que boulanger tout court, à quelle heure vous vous levez, le matin ou la nuit, du coup? En fait, justement, on peut jouer, c'est grâce à ces temps de fermentation. Si on calcule le moment où on va incorporer le levain, on va pétrir la pâte, on va calculer le temps d'enfournement qui correspond. Donc, en fait, ça sera plutôt en rapport avec les heures où on va devoir aller au marché ou dans les points de vente, le moment où les gens auront besoin de pain, en fait. On saura quand est-ce qu'on se lève. Mais il est possible que, oui, on se lèvera à 4h du matin, 3-4h du matin. Et puis voilà. Mais c'est une heure très intéressante dans la nuit parce que c'est plus la fête, il n'y a plus de bruit, la nuit, et puis on est un peu tout seul dans son atelier, quoi. J'imagine. Mais ça doit être... Est-ce que c'est pas perturbant de se lever en pleine nuit pendant que les autres sont encore en plein dans leur rêve ou dans leur cauchemar, ça dépend. Quand on donne deux enfants en bas âge, en fait... Se lève de toute façon quand on est parent. Donc. Mais non, mais l'avantage du pain en levain aussi, et puis de la façon dont on le fait, c'est aussi de pouvoir choisir et modifier nos horaires. C'est-à-dire que je vais pétrir le soir à 18h, admettons, et mon pain, je vais le cuire seulement le lendemain vers 9h du matin. Donc vous voyez, finalement, je ne suis pas obligée de me lever à 4h du matin pour préparer, pour pétrir et tout ça, parce qu'on a des temps de fermentation qui sont très très longs. Donc on peut pétrir le pain, faire quelques rabats, et aller se coucher, et puis se lever le lendemain matin, et puis là, reprendre la pâte... 8h, 9h, ça dépend. Nous, en général, en moyenne, on est sur 17, 18 heures de lever. Donc, ce qui nous permet d'avoir une bonne nuit. Oui, hein, j'imagine. Et donc, du coup, comme nous l'avons dit, le pain Déo, du coup, c'est un fournil, le projet, c'est que ce soit un fournil ambulant. Donc, quelles sont les motivations d'avoir créé un fournil ambulant, du coup? Comme je vous le disais avant, en fait, on avait déjà, il y a tout un aspect financier. On est locataire, et puis il faut investir pour. Donc nous, l'objectif à la base, c'est de racheter une vieille ferme, et puis de. Bon, ici, il y a beaucoup de vieilles fermes. Il y a des fours à bois, quoi. Donc de le retaper, de refaire un fournil autour. Là, pour l'instant, ce projet-là, il n'est pas perdu. C'est un projet qu'on aura pour plus tard. Mais il fallait qu'on trouve une alternative, en fait. Et on était vraiment pressés de commencer, parce que c'est quelque chose qui nous trotte, et c'est difficile d'avoir des projets que vous avez depuis une paire d'années, et que vous voulez le faire, et que voilà. Donc, c'était presque bête, on s'est dit, mais en fait, le food truck, c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur, notamment avec le confinement. Oui. Donc, il y a de plus en plus de propositions. Et puis cette mobilité, moi je la trouve intéressante parce que voilà, il y a aussi des villages qui n'ont pas forcément accès à ça. On peut créer des points de vente, des points de rendez-vous où on peut donner le pain. L'objectif à terme, ça serait de faire un carnet de commandes qui serait sur Internet où voilà, les gens sélectionneraient pour tel jour tant de kilos de pain et on pourrait envisager d'avoir des points de livraison et voilà. Donc, et ça, c'est ce que nous permet le fournil ambulant, quoi. Un laboratoire sur roue, un peu un c'est pas sorcier, quoi, presque. pour les plus anciens, plus ou moins, parce que les c'est pas sorcier, ça n'existe plus, je crois, mais enfin voilà, oui, je vois l'image, oui, voilà, oui, avec le gros camion. Et donc, du coup, quelles seront les villes desservies par le fournil? Alors, bon, nous, ce qu'on pense, c'est une bonne partie des Hauts-de-Vosges. On pense aller jusqu'à, si on prend un rayon, on pense aller jusqu'à Gérardmer, voire Thaon-les-Vosges. D'accord. C'est-à-dire dans un rayon d'une heure à peu près autour de notre lieu d'habitation. Et aussi du côté Haute-Saône, jusqu'à Luxeuil, pourquoi pas Vesoul. Bien sûr. On sait encore à définir. On a déjà quelques touches de points de vente qui seraient intéressés, de marchés en construction qui nous ont déjà contactés et qui seraient intéressés si le projet aboutit. Donc c'est là, sans même vraiment faire d'efforts, on va dire entre guillemets, on a déjà eu quelques contacts qui sont intéressés pour achalander leur marché ou leur point de vente en pain, quoi. Encore plein de belles choses dans l'aventure du pain des Hauts, du coup. Voilà. Donc il est 14h50 déjà, donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de conclure, je vous propose de nous lancer directement dans la troisième et dernière fréquence musicale de votre choix à nouveau, et que nous écoutions cette fois-ci le groupe de musique écossais et frères jumeaux The Proclaimers, avec leur titre I'm Gonna Be a 500 miles, voilà. Et toujours au niveau des quelques références, ce morceau est plutôt typé rock, je dirais. Il est sorti en 87 et il est issu de l'album Hollywood Soundtracks, album sorti en 87 également. Il s'agit d'ailleurs d'un album regroupant plusieurs artistes et plusieurs chansons. Et pour la petite info complémentaire, ce morceau a été nominé dans la catégorie du MTV Movie Award de la meilleure chanson de film en 94, prix remporté par Michael Jackson, et son titre Will You Be There, voilà, pour le film Free Willy. Voilà, donc on écoute les Proclaimers avec leur titre I'm Gonna Be 500 Miles, et on se retrouve du coup juste après pour la suite et déjà la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gimozo. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm watching, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more if there'd be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Da I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, when I come home, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. De les Proclaimers sur Radio Guémozo avec leur titre I'm Gonna Be 500 Miles sur Radio Guémozo. Du coup, comme je viens de le dire, c'est aussi présent dans leur album Sunshine on Leith. Voilà, je n'avais pas cette info quand je préparais cette émission, je l'avoue, donc je fais tout en direct. Voilà. Du coup, vous êtes toujours en direct, il est 14h55 et vous nous écoutez toujours sur notre site internet, sur notre application Orange Radio. Et dans les pays frontaliers, partout en France, je vais y arriver, partout en France et dans les pays frontaliers, entre autres. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Maria, de Myriam, ouais, j'ai du mal, de Myriam et de Piotr du Pain Déo qui sont là du coup pour nous parler du Pain Déo et de tout ce qu'ils font. Tout va toujours bien ? Eh ben, parfait. Super. Super. Donc, même question que pour les deux précédentes fréquences musicales. Voilà, je ne vais pas être original pour cette fin d'émission. Pourquoi ce morceau ? On aime bien ce morceau. On le trouve. On trouve qu'il met la patate. C'est une bonne raison. C'est. Et puis, oui, c'est un petit peu. Bon, allez, pour être. Pour faire de la poésie, ça résume aussi un petit peu bah, la fin. Voilà, avec le premier morceau, bah, je suis priote, donc le début de notre vie à deux, le Possessed by Paul James, donc c'est une chanson qui parle de la famille. Et là, bah, on ira jusqu'au bout du monde tous les deux. Donc. C'est beau. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Et donc, du coup, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons déjà, malheureusement, à la fin de cette émission. C'est passé très, très, très vite. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé, selon vous ? On s'est dit que, voilà, on voudrait dire aux auditeurs qu'on aimerait bien commencer cet été, cette fin de printemps-été, puisque ça sera une période de marché. Et voilà, donc nous, notre objectif, ça sera ça. Surtout, abonnez-vous à notre page, parce que c'est là qu'on mettra bien sur quel marché on va aller, sur quel point de vente on compte aller. Et voilà. On va fournir la page de plus en plus, donc vous aurez vraiment toutes les infos sur... les pains qu'on va proposer sur les points de vente, les marchés, nos horaires. Et oui, si tout va bien, on aimerait bien être sur la route pour cet été. Voilà. De toute façon, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette émission, je mettrai tous les liens utiles en podcast de cette émission. Donc le lien de la cagnotte Litchi, car vous avez une cagnotte Litchi, on peut le rappeler. Et du coup, le lien de votre page Facebook pour vous retrouver facilement du coup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, plein de réussite, et puis surtout que ce genre de projet puisse bourgeonner, parce que c'est pas que nous. En fait, je pense que nous, on le fait, c'est aussi, c'est pas que personnel, c'est en partie pour notre passion, c'est pour bien sûr travailler, se tirer un revenu, mais c'est aussi pour peut-être changer la vision des choses qu'ont les gens, donner un peu d'espoir aussi, faire du pain différemment, le consommer différemment, travailler en local. Et puis voilà, on espère avoir plein de contacts, plein d'échanges autour de plein de thèmes avec les gens, autour de la boulangerie et autour d'autres choses lors de nos rencontres sur les marchés. D'accord, voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite ici à Radio Guimauzo, et je suis sûr que nos auditrices et auditeurs se joignent à moi pour vous souhaiter tout ça également. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte ? As-tu un dernier mot ? C'est mon dernier mot ? Ouais. C'est ton dernier mot. Non. Parfait. Non, je voudrais vous remercier déjà. On vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de parler de notre passion, de notre projet. Et on espère vous retrouver sur la route, parce que c'est ça aussi qui est important pour nous, c'est d'être vraiment en contact direct avec nos fournisseurs, nos clients, et échanger. Ce côté humain aussi qui est très important. Et puis oui, en rappelant aussi le côté... éco-responsable qu'on veut garder absolument, et on y tient beaucoup. Voilà, le message est passé. Du coup, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de vous remercier, Myriam et Piotr, d'avoir accepté mon invitation, d'être venu jusqu'à chez nous pour nous parler de tout ça. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Et si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer, vous envoyer le lien si vous voulez la récupérer, la partager, etc. Super, oui. Merci. Voilà. En attendant, je vous laisse d'ici quelques secondes avec une rediffusion d'un autre programme proposé par Radio Guimauzo, Memento Mori, voilà, à 15h, donc juste après. Et quant à nous, on se retrouve demain à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Donc merci de votre fidélité à Radio Guimauzo. Et du coup, je vous dis à demain. Donc salut et à demain.